Good afternoon. You are now listening to Samedi Culture, our only French show on San Francisco Community Radio. This is Dominique Josephin, presenting an interview with Ferry Set. Bonjour à vous tous, auditeurs de notre émission Samedi Culture sur San Francisco Community Radio, notre seule émission en français dans la baie de San Francisco. C'est Dominique Josephin qui vous parle. Notre invité d'aujourd'hui est Ferry Set, qui est tour à tour acteur, metteur en scène, qui écrit ses scripts et fait tous ses montages. Il passe de la conception à la réalisation de toutes ses vidéos et partage son talent sur le web avec les internautes. Il dit de lui-même qu'il fait recette en permanence et change constamment de casquette, d'où son pseudonyme de Ferry Set. Ferry Set, certains le connaissent déjà pour avoir été l'un ou l'une des 3 100 000 visiteurs de Dansons la Capucine, ou l'un des 810 000 visiteurs qui, sur 2 semaines, ont visionné la vidéo des chats Jedi. Les chats ninja comptent déjà plus de 4 millions de visiteurs. Mais ce n'est pas tout. Parole de chat compte presque 30 millions de vues pour 48 vidéos et presque 82 000 abonnés. Chaque jour, le nombre des abonnés augmente d'environ 300 personnes. Si vous faites le calcul, le nombre des abonnés pourrait atteindre les 100 000 au printemps prochain. Ferry Set, c'est aussi Ferry Set 2 avec 41 vidéos. Quant à Facebook, on en est à plus de 35 000 visiteurs. Au passage, savez-vous que Dansons la Capucine sert de support pour l'apprentissage du français langue étrangère? Qui ne voudrait pas apprendre le français au rythme de cette vidéo? Cette interview aujourd'hui est la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec Ferry Set. Ferry Set, c'est la voix des animaux sur YouTube. Il a le don de provoquer les rires de son auditoire et il est facile à trouver. Vous pourrez avoir toutes les informations sur http://www.youtube.com/user/ferryset ou sur youtube.com/user/ferryset2. Mais chez Ferry Set, ce sont aussi d'autres vidéos. French Jedi, le psychedelic musical Cat ou From Paris with Love qui a fait plus de 445 000 vues. Si vous avez envie de vous détendre, tapez simplement Ferry Set, F-A-I-R-E-S-E-T, sur votre ordinateur et cliquez sur l'une de ces nombreuses vidéos. Vous n'aurez que l'embarras du choix, toutes plus drôles les unes que les autres, pour les enfants autant que pour les grands. Pour les non-francophones, Ferry Set a pensé au sous-titre. Ferry Set a la réputation d'être attachant et spontané, et son audience augmente de jour en jour. Comme vous allez pouvoir le constater, le monde de Ferry Set, c'est l'humour, derrière la confrontation entre le passé et le présent, des images en noir et blanc qui rappellent l'époque du cinéma muet, tout cela sur un fond de musique classique. Il crée avec son instinct, établit un contact avec les YouTubers et enflamme l'enthousiasme des internautes. Voici maintenant l'interview avec Ferry Set. Certains commencent dans leur garage. C'est le cas d'Henry Ford avec sa première automobile, ainsi que les premiers dessins animés de Walt Disney, et même le cas du premier ordinateur Apple. Oui, Steve Jobs. Et toi? Alors ça, moi, ça me fait rêver, là, ce que tu viens de dire. C'est vrai que on les imagine dans leur petite pièce comme ça, et la légende commence là, de manière toute simple. Et ouais, ça fait rêver. Bah moi, je suis dans mon salon. Ça, c'est un truc que permet Internet. Il y a 15 ans, on ne pouvait pas faire ça. Mais c'est en sûr. Fait, n'importe qui a une idée, une passion, trouve comme ça chez lui. Il suffit d'avoir un ordinateur, une connexion Internet, et puis de mettre son idée un peu en forme pour la proposer sur la toile. Et puis bah, après... De fil en aiguille, de bouche à oreille, en passant par nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, on peut se faire connaître tout en restant tranquillement dans son salon. Quoi. C'est vrai que c'est magique. Et quand tu as commencé où? Là, dans mon antre. Il faut imaginer une espèce de petite caverne d'Ali Baba sur mesure, avec tout un tas de babioles et puis les outils qu'il faut pouvoir se filmer, s'enregistrer. En fait, il y a un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Freddy Wong, qui fait des vidéos avec plein d'effets spéciaux qui est célèbre, hein, il fait des vidéos qui ont des millions de vues, et il dit « peu importe le matériel que vous avez, comment vous vous en servez qui est important ?» C'est sûr. Donc, voilà, moi je m'amuse dans mon coin, et puis il se trouve que ce que je fais en le mettant après en ligne, ça plaît, et puis j'ai de la chance par rapport à ça, quoi. Ça me fait super plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a le côté tout seul, tranquille, dans son salon, n'importe qui d'autre, quoi. Tes chats ? On a un chat. C'est la nouvelle venue, d'ailleurs. Elle a 4 mois, s'appelle Plume. Et elle avait les yeux verrons, elle est en train de les perdre, là. Tu sais, un œil vert, un œil bleu. Oui. Et là, elle commence à avoir les deux yeux verts. La dernière fois que nous nous sommes parlé, tu venais de perdre ton chat. C'était en juin 2012. Elle avait 17 ans, je crois. Et on avait fait... C'est ce qui est terrible avec... elle s'appelait Babouchka. Et donc là, pour le coup, elle portait bien son nom. Petite grand-mère, je crois, en russe. 7 ans pour un chat, ça fait quand même grand-mère. Oui, c'est pas mal, déjà. Qu'on avait fait cette vidéo avec mes collègues de Trajectoire Film, Psychédélique Musical Cat. Voilà, oui, c'est oui, ça. Oui. Quand on touche le chat, il fait de la musique avec des touches de couleurs, quoi. Par exemple, tu touches ses poils de moustache et chaque poil de moustache a une couleur différente et une note différente. Du coup, je rejoue tout le Prokofiev, le passage du chat dans Pierre et le loup. Et c'était avec Babouchka qui est morte 2 jours après. C'est triste, hein? Terrifiant quand on y pense, quoi. Et en même temps, c'est beau parce que c'est un superbe hommage et un souvenir qui restera toujours. Tout à fait. Qui a-t-il de nouveau depuis notre dernière interview? Il y a eu Plume, nouvelle venue à la maison. Il y a eu quelques vidéos nouvelles en plus, dont les fameux chats Jedi qui sont partis en flèche en termes de vues, qui ont été vus, je ne sais pas, 400 000 fois. Oui. 500 000 fois, là, maintenant. 500 000 fois, c'est un peu normal, non? Ouais, je ne sais pas comment ça se passe, parce que depuis quelques jours, il y a une autre de mes vidéos qui est Dansons la Capucine, qui se rapproche des 2 millions de vues, et il se passe quelque chose de bizarre depuis, je ne sais pas, peut-être 2 semaines. J'ai beaucoup de commentaires en anglais et je sais pas pourquoi, et il y a plein de gens qui viennent me dire, enfin qui se marrent bien avec cette vidéo, mais d'habitude c'est plutôt des commentaires en français, et là elle a dû être mise en avant quelque part. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas vraiment de règles, quoi. Il y a le boom des premiers jours, mais une vidéo qui peut rester comme ça plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avec peu de vues, enfin tout est relatif, hein. Et un jour elle va être mise en avant quelque part, et c'est en train de se passer avec cette vidéo-là de Dansons la Capucine. Ce qui me fait super plaisir, parce que du coup il y a tout un tas de messages en anglais auxquels je réponds quand je peux, d'ailleurs. C'est super, elle a traversé l'Atlantique. Bah ouais, et alors du coup, tu sais, comme on en parlait, je me demande si c'est pas à cause de cette histoire de cours de français. Ah oui, ça c'est possible, oui. Il y a une répercussion. Ben voilà, c'est peut-être ça. Donc, il y a une prof de français, justement, qui m'a demandé si elle pouvait utiliser ma vidéo pour la montrer à ses élèves, pour leur apprendre le français de manière fun. Oui. Donc moi, évidemment, j'ai dit oui, quoi, parce que j'aurais rêvé, moi, que ma prof d'anglais vienne me dire « Tiens, regardez, j'ai trouvé une vidéo de chat qui parle. » Et comme c'est en anglais, en l'occurrence pour nous, ça va être sympa pour vous apprendre la langue. Et ben voilà, c'est ce qui se passe, sauf que là, c'est dans une classe pour apprendre le français. Oui, mais ça n'a pas d'importance, en fait, parce que ça peut être adapté ou au français ou à l'anglais. Oui, puisque en fait, la vidéo est en français et les sous-titres sont en anglais. Oui. Mais évidemment, on peut rebondir et jouer entre les deux langues. Bien sûr. Mais ça, c'est super, le support pour l'enseignement des langues. Mais ce n'est pas surprenant, en fait, parce que les clips sont courts, le vocabulaire est riche, mais il est simple. Il y a des éléments grammaticaux qui sont simples aussi. Il y a quelques expressions idiomatiques. Ça s'adapte bien à l'apprentissage des langues vivantes, tant pour la langue parlée que pour la langue écrite. Ça, c'est important aussi. Et combien même il y aurait, par exemple, quelques fautes dans les sous-titres, ça leur donne en plus de la matière pour dire « Ah, regardez, là, vous avez vu, il a fait une erreur. Alors, qui peut corriger cette erreur ?» Oui, tout à fait. Levez les doigts. Ouais, bah alors là, moi, en l'occurrence, pour essayer d'être le plus fidèle possible à l'anglais, qui est une langue que j'aime beaucoup, comme moi-même, je ne suis pas très bon, en fait, je demande à une prof d'anglais, carrément, de m'aider. C'est-à-dire que soit elle traduit directement mes textes que je lui envoie en français, soit elle vérifie ma propre traduction. Et du coup, a priori, c'est plutôt propre maintenant, les sous-titres. Oui, premièrement, je pensais que tu étais un fortiche de l'anglais. Bon, ouais, bah, je comprends tout. Comme on disait la dernière fois, je regarde beaucoup de séries et de films en VO et maintenant j'arrive à même enlever les sous-titres carrément. Par contre, dès qu'il faut parler, c'est une vraie catastrophe. J'ai beaucoup de mal. Mais c'est par manque de pratique, hein, tout simplement. Et puis c'est la façon dont les Français apprennent les langues vivantes. Oui, peut-être aussi. Ouais. Trop de flémardises pendant les cours au lycée. Oui, c'est les programmes aussi. Il faudrait peut-être plus d'interaction et de contact avec de vrais Anglais ou de vrais Américains. Oui, puis il faudrait peut-être aussi apprendre avec des clips comme ceux que tu produis. Ah, ça motiverait peut-être plus. Ah ouais, oui, certainement, sûr. Oui. Je les imagine devant ce genre de vidéos, ils doivent se marrer, quoi. Tout à fait. Déjà, les enfants et les jeunes sont plus réceptifs à l'humour. Et quand on voit que les adultes rient bien avant le déroulement final, ben, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est très drôle. Et c'est vrai que dans une classe, de plus, le rire est communicatif. Alors, dans une classe, tout le monde doit rire en même temps. J'imagine. Et puis après, ils en parlent dans la cour de l'école. Et puis ça fait boule de neige. Et finalement, bah, après, les gens viennent mettre des commentaires sympas. Oui, et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. C'est une possibilité, oui. En tout cas, il faut y croire. Et dans le même... ordre d'idée. Ordre d'idée, merci. Il y a quelques jours, sur Facebook, une dame m'a envoyé une vidéo de ses petites filles. Alors ça, mais c'était juste magique. On l'a revue tout à l'heure avec mes propres filles. Elles ont refait tout un sketch d'une de mes vidéos, ce qui s'appelle l'art de la séduction. Elles doivent être québécoises, je pense, parce qu'elles ont un accent que j'adore d'ailleurs. Et en fait, elles se sont déguisées pour l'une en chat, pour l'autre en oiseau, et elles ont refait intégralement toute la petite vidéo, mais elles-mêmes déguisées. C'est super. C'est super, super mignon, super drôle. Et enfin, moi je craque, quoi. Et en plus, après, elles font une petite vidéo où elles expliquent un peu, elles me remercient, elles disent « Oui, il y a un monsieur qui fait parler des animaux, alors on ne sait pas trop comment il s'appelle, il est bizarre son pseudo, c'est Ferrocette. » Et non, en fait, elles disent bien Ferrocette. Et puis, enfin voilà, on les voit parler, c'est juste magique. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi sur le plan émotionnel ? Ça me fait immensément plaisir. C'est-à-dire que je réalise même pas, quoi, en fait, que étant tout seul dans mon salon à faire mes pitreries derrière mon écran, et que par-delà l'océan, il y a un impact sur des gens que j'ai jamais rencontrés et qui s'amusent à ressortir certains passages pour s'amuser dans la vie de tous les jours. Par exemple, pour revenir sur Dansons les Capucines, l'autre jour, j'ai eu un commentaire qui me disait « Tiens, aujourd'hui, j'ai eu 30 attaques de puces. » Parce que dans la vidéo, à un moment donné, un des chats attaque l'autre en lui disant « Attaque de puces. » »« T'as des puces. » Oh, voilà. Du coup, les gens s'amusent dans la vie de tous les jours et ils se surprennent en disant « Hop là, attaque de puce et, !» etc. Enfin voilà, ça me fait immensément plaisir, quoi. Est-ce que les chats sont dressés ou est-ce qu'ils sont formés, enfin, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Pas l'impression, en tout cas dans les vidéos que j'utilise. En général, c'est des vidéos que je trouve sur Internet et puis... Il y en a une qui me plaît bien, ben voilà, je mets ma voix dessus pour faire un sketch. Et en général, je n'ai pas l'impression qu'ils soient entraînés. Hein. C'est une situation, et il se trouve que la personne a sa caméra à ce moment-là. D'ailleurs, je n'aime pas trop, en fait. J'essaye d'éviter, de temps en temps, quand il y a un chat avec un petit chapeau rigolo, c'est pas bien méchant, ou alors il s'est mis dans un petit carton... Ou un truc en verre, alors on le voit dedans, c'est bizarre. Mais j'essaye d'éviter quand il y a trop de... Ouais, les animaux savants, ou alors trop de... Quand les humains leur imposent trop quelque chose. Il y en a, il me semble, que tu rencontres dans la rue. Tu les filmes pas dans la rue ? Non, ils sont tous sur Internet déjà. Ouais, en fait, si je réfléchis bien, quasiment toutes les vidéos d'animaux qui parlent, enfin d'animaux. Des vidéos d'animaux où moi je mets ma voix par-dessus, c'est des vidéos que je trouve sur Internet. Beaucoup filmé plumes ces derniers temps, mais pour l'instant, ça s'accumule, j'arrive pas à trouver la bonne idée. Ou alors simplement, j'ai la flemme de m'y mettre, je sais pas. Mais il y a de la matière. De temps en temps, ouais, je filme des trucs. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je tombe sur une vidéo sur Internet qui est 10 fois meilleure et qui me fait super rire et qui me donne plein d'idées. Et du coup, en fait, voilà. En fait, c'est certainement plus facile quand il y en a plusieurs, au minimum deux. S'il y a deux chats qui s'amusent ensemble. Bah oui, parce qu'il y a interaction, il y a confrontation. Ah, bah ouais, ça marche très très bien, la confrontation. Dès qu'il y en a un qui n'est pas d'accord, ça marche toujours très bien. Alors, il faut un petit frère ou une petite sœur, Plume ? J'y ai pensé, mais je ne suis pas sûr que ça passe bien. Plume fait beaucoup de bêtises. Et ça si elles étaient deux, en train de cavaler dans tous les sens, par exemple. Elle en ferait peut-être beaucoup moins si elle avait une petite sœur ou un petit frère. Ouais, alors après, il y a la question de la place, du budget aussi, parce que il faut les nourrir, et quand on part en vacances, il faut les faire garder. Soit les faire garder, soit elle part avec nous, et du coup, c'est tout un bazar à organiser. Mais par contre, ce qui se passe de plus en plus souvent, c'est que mes fans m'envoient leurs vidéos et me demandent, tiens, tu pourrais me faire parler mon chat. Ça, c'est intéressant. Et au moins, plus, c'est pas déjà sur Internet. Voilà, parfois, c'est des... Par exemple, j'ai fait une vidéo avec un furet. Oui, c'est ça, un furet. Et qui était totalement original. Oui. À la limite, la personne l'avait envoyé exprès pour moi. Et j'en ai fait une vidéo qui s'appelle L'évasion. C'est déjà plus ancien. Oui, oui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une femelle, en fait. Donc, ça ne transparaît pas sur l'écran, mais moi, je lui ai fait une grosse voix de camionneur, mais en fait, c'est une femelle. Et il y en avait plusieurs, il y avait plusieurs furets aussi. Dans une autre vidéo, mais dans celle-là, il est tout seul. Oui, d'accord. Ouais. Tu entretiens une correspondance régulière avec le public ? C'est quotidien, oui. Quotidien, c'est-à-dire que je réponds aux messages quasiment tout, ou aux commentaires, beaucoup de messages sur Facebook aussi, un petit peu sur Twitter. Et puis, il y a des personnes qui reviennent, notamment une fan qui a carrément fait une page de les fans de Ferry 7 sur Facebook. Et on a une correspondance régulière. Salut, ça va ? C'est quoi les nouvelles ? Voilà. Et pour autant, j'ai jamais rencontré personne pour l'instant. En général, ils te disent ce qu'ils aiment, mais est-ce qu'ils te disent ce qu'ils n'aiment pas ? Oh bah oui, je gêne pas. Hein, ça, je suis déjà fait plusieurs fois de taper sur les doigts. D'ailleurs, c'est bien. Parce que des fois, bah oui, carrément, parce que des fois, je fais des trucs qui, moi, me font rire, mais en fait, je ne me rends pas compte que c'est un peu limite. Pour te donner un exemple, une fois, j'avais mis une photo sur Facebook, photo de chat, mais en fait, je n'avais pas vu que le chat, il sortait du véto et il était mal en point. Et du coup, dès les premiers commentaires, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je viens de mettre en ligne là ? C'était limite de la maltraitance. J'avais vu un tout autre aspect de la photo, j'avais vu l'aspect rigolo. J'avais pas du tout vu l'aspect genre pansement, tout ça. Oui. Quoi. Du coup, j'ai carrément enlevé la... Enfin, j'ai dit, ah oulala, oui, merci de me l'avoir dit. Puis j'ai fini par enlever la photo. Des fois, il y a même des débats dans les commentaires qui disent... des personnes, des défenseurs des droits des animaux qui s'énervent parfois, disant mais les animaux sont pas des objets. Enfin, je parle en français, c'est plutôt francophone quand même, les commentaires. Sauf, là, je te dis, depuis quelques jours, sur Dansons les Capucines, et ça me fait vraiment super plaisir, tous ces commentaires en anglais, et puis aussi, bien sûr, sur toutes les vidéos de Ferry 7 avec sa moustache, qui est un peu plus international, parce que comme il n'y a plus le barrage de la langue, et alors là, oui... Mais là, il n'y a pas trop de débat, par contre. Oui. T'as tellement matière à s'énerver sur une vidéo de Ferry 7, quoi. C'est toi qui fais les dialogues, qui écris les dialogues. Ouais. Ils sont spontanés ou tu les prépares d'avance ? Ah, oh, mais ça me fait plaisir comme question, ça. Parce qu'il y a justement deux manières de faire. Il faut savoir que la toute première vidéo que j'avais faite, c'était le casting avec le chien là, qui passe son casting. Et même celle d'après, le ménage. Pour les faire, ces vidéos, j'avais simplement regardé la vidéo d'origine et j'avais quelques idées. J'ai rien écrit du tout. J'ai branché mon micro, j'ai mis la vidéo et je me suis lancé. J'ai pas fait tout d'une traite, je suis incapable de faire ça. Je fais toujours petit bout par petit bout. C'est-à-dire, j'enregistre une phrase, ça me plaît pas, je la réenregistre, etc. Et j'avance petite phrase par petite phrase. Mais rien n'était écrit. Donc, spontané, dans le feeling un esprit de déconnade, quoi. Et je me marrais au fur et à mesure que j'enregistrais. Et à un moment donné, par exemple pour le casting, j'arrive à un moment de la vidéo où je me dis, tiens, là, ça serait pas mal d'avoir un petit truc rigolo à dire que je suis pas capable de trouver tout seul. Donc, hop, un petit coup de Google, je tape van sur le fait de chanter faux et ça me donne le fameux « tu chantes tellement faux que même si on écrirait les paroles, on verrait les fausses notes », qui m'a fait super rire. Donc je vois ça, oh, bah tiens, ça c'est parfait. Donc je reviens sur Alt pour revenir sur l'enregistrement. Tu vois, donc c'est vraiment pas du tout préparé. Je ne serais pas tombé sur cette vanne à ce moment-là et ça t'est fait en 2 heures. Maintenant, l'autre manière de faire, c'est préparer les chats ninja qui ont fait maintenant 3 500 000 vues. Et ça, par contre, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que je m'y suis pris, j'ai rassemblé toutes les vidéos, j'ai fait un plan, j'ai écrit le texte à l'avance, chaque mot, avec un timing précis. Alors là, il n'y avait absolument plus rien d'improvisé. Et puis des fois, c'est un mélange des deux. Donc voilà, en fait. Un autre pas en avant à citer avec « Faut pas rater ça » sur France 4, propose les chats Jedi. Je suppose que tu es un excellent booster pour ta carrière. Pas du tout. Je suis étonné. Ah, tu fais bien l'étonnement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, moi, j'étais pas au courant. Je l'ai appris le lendemain parce que mes fans m'ont dit « Ah, super, t'as vu ta vidéo, ça y est, t'es célèbre et tout. » Donc, je vais voir et puis effectivement, je constate. Et c'est une émission qui est assez suivie en France, qui s'appelle donc « Faut pas rater ça » sur France 4. Et comme ils ont vu, ils sont tombés sur cette vidéo qui avait fait plein de vues et donc qui a attiré un peu l'attention, ils ont pris les 30 premières secondes, ils ont coupé mon logo pour qu'il n'apparaisse pas à l'écran, et ils ont fait ça un peu comme, même pas comme un truc trouvé sur Internet à la limite, juste comme une rubrique rigolote, « Ah, vous savez, les chats, vos chats, méfiez-vous, en fait, secrètement, ce sont des chats Jedi », et boum, ils envoient la vidéo. Ils m'ont pas cité. Ils ont quand même pas cité quelqu'un d'autre. Ah bah non, quand même pas alors. Donc d'un côté, c'est super flatteur parce que tout de même, c'est la télé et tout ça. Et d'un autre côté, tous les gens qui ont vu ce petit passage, bah ils savent pas que c'est moi. La seule manière, si éventuellement, si quelqu'un se dit « Ah, chat Jedi, tiens, je vais taper ça dans Google ou YouTube », et puis peut-être retrouver la vidéo, et à ce moment-là, oui, ça marche, effectivement, ils tombent sur ma vidéo. Mais bon, voilà, c'est la télé, ça marche comme ça, quoi. C'est pas très honnête, quand même. Ouais, bah ils piochent, hein, ils se servent, et bon, bah c'est la jungle. Finalement, je suis pas mieux qu'eux, hein, parce que quand je prends des vidéos, alors bon, si la différence, c'est que moi j'essaye de contacter les personnes pour leur demander la permission, parce que sinon, si j'ai pas la permission, et ça m'est arrivé de le faire quand même, et à ce moment-là, il peut y avoir un retour de boomerang, la personne qui vient me voir 3 mois après, qui dit « mais dites donc vous, lisez ma vidéo, de quel droit ?» Et à ce moment-là, c'est moi qui ai des problèmes. Voilà, enfin, je veux pas trop dire « ouais, vous abusez, parce que les vidéos que j'ai utilisées, elles sont même pas à moi, de toute façon. » Alors c'est peut-être pour ça qu'ils se sentent le droit de le faire. Oui, j'imagine, ouais. Par contre, c'est vrai que toute la valeur ajoutée, c'est-à-dire les voix, le thème, quoi, le fait faire des chats Jedi, que j'ai pas inventé d'ailleurs, hein. Il y a plein d'autres vidéos de chats Jedi, c'est même une mode en ce moment sur YouTube. Oui, ça marche bien. Ça marche très très bien. Puis les petits effets spéciaux, les sabres laser, bah, tout ça c'est moi, quoi. C'est pas dans les vidéos d'origine. Tu as une web-série en projet avec Trajectoire Film, voudrais-tu nous en dire plus ? Oui, ben en gros, ce qu'on aimerait faire, c'est, tu sais, prendre mon personnage à moustache, dans son univers en noir et blanc, avec les effets spéciaux en couleur. Et donc, bon, ben, un chat lui ferait des misères, et puis il y aurait plusieurs épisodes, avec à chaque fois un petit sujet, quelque chose de très court et rigolo, quoi. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 1 an et demi, avec Trajectoire Film. Donc, pour l'instant, ça se fait pas. Je sais pas, peut-être les gens ont peur du concept ou la web série pour l'instant reste en devenir. Tu as de l'espoir quand même. Ah bah moi j'ai très envie de la faire cette web série, ça m'éclaterait totalement. C'est comment dire, faire une succession de petites vidéos qui se suivent et qui feraient un ensemble, enfin une série quoi en fait tout simplement, hein. Quelque chose qui peut se regarder comme un tout. C'est un de mes rêves, c'est un de mes rêves de gamin. Surtout dans ce monde-là, tu sais, t'imagines un Charlie Chaplin, mais version 2.0, avec des effets spéciaux, par exemple dans le French Jedi. C'est-à-dire que t'as vraiment tous les codes et l'univers de Charlie Chaplin, sauf qu'il y a un sabre laser de Star Wars. Donc visuellement et même au niveau de l'histoire, c'est super drôle à regarder. J'aimerais vraiment bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne se fait pas, justement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle se fasse? Un financement, j'imagine, tout simplement. C'est toujours le même problème. Ouais, bah ouais. Ouais, parce que tu sais, les effets spéciaux, tout ça, faut toute une équipe. Soit on le fait, comment dire, quand c'est produit, quand c'est pro, il faut que ce soit financé, quoi. Faut qu'il y ait un soutien. C'est vieux comme le cinéma, ça, hein. On peut faire des films amateurs, c'est sûr, mais si on veut de la qualité et un programme bien cohérent et tout, bah faut une équipe pro et c'est normal. Est-ce que ça se paye une équipe pro? Parce qu'en fait, on croit toujours que c'est excessivement cher. Est-ce que c'est vraiment si cher? Bah ça, en fait, toute cette partie-là, c'est Trajectoire Film qui la gère. Moi, je suis le guignol au milieu de toute l'aventure qui se met en avant, mais tout ce qui est comment dire, logistique, travail d'aller convaincre d'éventuels annonceurs ou c'est pas sponsor le mot, enfin je sais pas, je sais même pas les termes en fait. Ça, c'est la part dont Trajectoire Film s'occupe. Producteur. Voilà, c'est ça, les producteurs donc. Avec qui on a déjà fait une poignée de même 3 vidéos qui sont magnifiques, mais on les a fait en 1 an de temps, tu vois. Donc c'est long mais c'est par manque de moyens, quoi, tout Ah simplement. oui. S'il y avait un vrai financement, on pourrait faire un épisode toutes les semaines, je sais pas. Enfin, Et ça se vend? Elles ont été vendues, les autres vidéos que tu as faites avec eux? une qui a été produite grâce à un concours qu'on a gagné auprès de la SACD. La SACD, c'est la société la protection des droits d'auteur, tout ça. C'est assez connu en France. Et en fait, ils ont organisé un genre de concours pour encourager les nouveaux talents. Et donc, nous, on a participé à ce concours et on a fait partie des gagnants. Et il y avait un prix de. Je ne vais pas dire de bêtises, c'était 5 ou 7 000 euros, je ne sais plus. Et donc, grâce à cette. C'est comme une bourse, en fait. Grâce à ce prix, on a pu produire la vidéo de Musical Cat, qui serait D'accord. un peu comme le pilote de la série, puisqu'il y a un chat, il y a moi. Ça donne une idée de ce que Oui. pourrait être la série, en fait, cette vidéo. Si on veut se donner une Oui. idée, il suffit de taper Psychédélique Musical Cat. Oui. Et là, on a une bonne idée de ce que pourrait être toute une série sur ce modèle-là. C'est surtout la post-production qui est lourde, en fait. Les effets spéciaux. Parce que finalement, bon, alors bon, l'écriture, le tournage, ça peut être fait par exemple, 1 semaine, 2 semaines. Mais par contre, les effets spéciaux, la post-production, ça va être minimum 3 semaines, tout ça. Donc, si la web série un jour se fait, il y aura tout ce travail, tous les épisodes seront tournés en amont, avant, et diffusés une fois qu'ils sont déjà prêts, tu vois, comme une saison 1 en fait. Je dis saison 1 parce que ça me tient tellement à cœur que, évidemment, moi je vois ça comme carrément un truc sur plusieurs saisons, tu Oui, sais. saison 10, on y est encore. Ouais, voilà. Je te le souhaite en tout cas. Ah, ça serait un beau programme. Eh bien, voici venu le moment de nous quitter. et de te remercier pour cette interview. Il me reste à te souhaiter une bonne continuation et un grand succès pour bientôt. Merci beaucoup, Dominique. Je t'en prie. Et bonjour de France et un grand merci.